Et Cupidon n'a pas dit non. J'ai fait la moitié du chemin, un peu comme le pont d'Avignon. Avec un genou presque à terre, moi qui étais cet homme si fier, je ne me suis jamais démonté. Quand tu disais y'a rien à faire, c'est l'amour avant tout, c'est ça. Et c'est l'amour qui prend, c'est ça. Et c'est l'amour qui rend, c'est ça. Do you love me? Do you love me? Alors maintenant tu penses à moi, parlons de toi et ton caractère. On peut dire que tu ne m'as pas raté, tu m'as comparé à ton père. Faudrait qu'on pose la balle à terre, mais mademoiselle est trop fâchée. Après l'été c'est pas l'hiver, je n'écoute plus tes balivernes. C'est l'amour avant tout, et c'est l'amour qui prend, et c'est l'amour qui rend fou. Je reviens vers toi sans pleurer, car mon égo s'en est allé, s'en est allé, s'en est allé.